L'inspi est une étoile qui dans mon ciel se fait rare. J'ai défié la vie en l'écrivant un peu rare. J'ai oublié les classiques, les rimes et le solfège. Sur un piano acoustique, mon chemin seul je le fais. Un clown triste utilise tant d'artifices. Sa joie cache et ses pleurs, ça c'est un putain d'art fictice. J'ai oui dire et inhaler tant de conneries. Dédicace à Kenny, ce son vient de l'incendie. Se rapprocher de l'homme, tout ça pour devenir son chien. Je préfère rester seul et entouré des miens. Les clichés ont deux tours d'avance depuis le 11 septembre 2001. Par milliers, mes pensées s'exportent parmi les miens. Voilà pourquoi je me bats pour faire régner principe et valeur pour mes gars. Écrit Pop is dead sur une feuille. Ma dernière volonté sera de la coller sur mon cercueil. J'ai tant de fois perdu le goût et lâché le bout de la vie. Perdu dans ce précipice qui est mon livre. Voir son destin tel une malédiction à l'ombre du mal se cache souvent un dicton. Et dans ma diction, ressens ce qui ne va pas. Utilise des métaphores en décor, je me perds dans ses bras. Mon âme près de mes lèvres et des larmes dans mes verres. Qui aurait cru que sur une lettre j'aurais pleuré mes rêves. Le défi est à relever, avant le chaud, connaître le froid, redescendre pour mieux remonter. Les oppositions se comptent par centaines de milliers, il y a toujours un oppresseur et un humilié. De sa définition, on en oublie l'essentiel. On banalise la mort, l'amour, et c'est je t'aime. En clair, je te hais pour tout ce que tu m'infliges. À force, je n'ai oublié la douceur de la brise. Pourquoi essayer de prendre des risques pour me sentir vivre et me sentir libre. Briser mes chaînes et ressentir tous ces sentiments qui me font tant languir. C'est pour ça qu'on n'est pas pareil et que je vis seulement parmi vous. Ça fait.